Prononciation, intonation, exercice 65. S'exclamer. Écoutez. Oh là là, vous faites un métier pas facile. Répétez. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut m'énerver. Oh là là, qu'est-ce qu'il mange. Oh là là, qu'est-ce qu'elle chante bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il pleut.